I need some grass, yo. Inhale. I need some grass, yo. Par ton esprit, comme Azazel Street, Denzel écrit un premier vers, comme si s'en fait comme une gazelle. Des accès me comprennent, même longueur d'onde pour me rejoindre. Inutile d'avoir la tête au micro. Jongle avec les drogues dures pour le portefeuille. T'es acheté assez parfois la plante aux cinq feuilles. L'œil rouge, vois tout bouger lentement. Roule un autre split, pas de stress, y'en reste amplement. En passant, prends-moi mon briquet, salope, je viens de l'acheter. Bourré prêt à fumer, rester attisé. Inhaler, allez, Dex, fais tourner. Faudrait lâcher chaque fois, tu restes hypnotisé. Y'a pas toi qui a cotisé. Fais chier, avant je me levais pour le cégep. Au fait, c'était pour les adeptes de l'article sec avec Fred. Fumer des joints chaque matin dans les souterrains. 5 jours semaine, bref, on faisait rien de mal. Enfin, on faisait rien de bien non plus. J'ai dû passer un cours ou deux et tu claques tout au plus ou moins conscient. Du temps, perdu de l'argent par conséquent. Laissant mon cul coller sur le vent, c'est vrai. Avec le temps, c'est facile de chialer sur les erreurs passées. De toute façon, c'était facile. Cicatrisé, dossier clos, passe à autre chose et métaphore. Mose s'oppose à ceux qui mettent à mort. Pose tes lèvres sur ce choix, toi, ceux qui s'en font pas, t'en fais pas. Élève-toi au-dessus de tout ça. Va pour le mieux, bienvenue au septième cieux. Un verre pour monsieur, déjà je vois la joie dans tes yeux. Pose tes lèvres sur ce choix, toi, ceux qui s'en font pas, t'en fais pas. Élève-toi au-dessus de tout ça. Va pour le mieux, bienvenue au septième cieux. Un verre pour monsieur, déjà je vois la joie dans tes yeux. Le verre ton esprit, comme un SS8, Denzel écrit. Un deuxième verre qui me sert bien d'être comme une gazelle. Cette fois, c'est pour mes alcoolos du second niveau. Molex, jamais solo. Duo, trio s'il le faut. Ramener les filles du consigné si on est tôlé. On est pas tout le temps sous mes points. 40 ans par jour, on est réglé. Son horloge biologique, c'est pour les 11h. Sinon reste sec jusqu'au lendemain vers 8h. Fait peur, perdre son permis comme Pat Lacoche. On est comme des cloches, les coches au cul on pète sa coche. Hoche la tête, conducteur désigné, c'est résigné. Renoncer à résister, décider de tout risquer. Qu'à rester au bar sans boire, y'a quoi manifester. C'est comme tomber sur une santé qui porte la ceinture de chasteté. Chasser le trophée tant désiré, pour enfin se retirer comblé. Ça fait mal, rien qu'à y penser. Les blessures, bien sûr ça fait partie du sport. Les forces se relèvent, sans aussi c'est fourni son deuxième effort. Sur ce choix, toi, ceux qui s'en font pas, t'en fais pas, élève-toi au-dessus de tout ça. Pose tes lèvres sur ce choix, toi, ceux qui s'en font pas, t'en fais pas, élève-toi au-dessus de tout ça. Va pour le mieux, bienvenue au septième cieux. Un verre pour monsieur, déjà je vois la joie dans tes yeux. Pose tes lèvres sur ce choix, toi, ceux qui s'en font pas, t'en fais pas, élève-toi au-dessus de tout ça. Va pour le mieux, bienvenue au septième cieux. Un verre pour monsieur, déjà je vois la joie dans tes yeux. Pose tes lèvres sur ce choix, toi, ceux qui s'en font pas, t'en fais pas, élève-toi au-dessus de tout ça. Va pour le mieux, bienvenue au septième cieux. Un verre pour monsieur, déjà je vois la joie dans tes yeux.